qu'on avait accusé de récession, pour qu'ils puissent nous dire, comme ça, on pourra lire à l'antenne, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Un amant, tu n'as pas écouté mon conseil, les prochains, la prochaine semaine, tu es invité, j'ai récemment constaté que tu as fait une émission sur ce type de choix. Donc, toi et moi, nous n'avons jamais dénoncé ce type de choix. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, je veux dire à Véronique, si tu vas au Nigeria, si tu peux appeler la synagogue, appelle la synagogue, et quiconque peut appeler la synagogue. Et je crois même que les gens de la synagogue vont voir cette vidéo aussi. Si d'une façon ou d'une autre, je suis en contact avec Tim Yosha, s'il vous plaît, venez le dire ici. Vous avez déclaré dans cette vidéo, dans ce sujet, que Tim Yosha m'a baptisé. C'est terrible, je ne sais même pas comment lui baptise pour commencer. Tim Yosha m'a baptisé, je suis mort, il est mon père spirituel. J'ai changé de langage même, vous voulez, payé le langage du mot. C'est quoi un père spirituel? Donc, avec, d'abord pour commencer, Tim Yosha et moi, nous n'avons pas de même doctrine. Vous devez, le simple bon sens voudrait que vous sachiez cela. Parce que les choses qui font, nous dénonçons cela. J'en fais le contraire totalement. Donc, le simple bon sens voudrait que vous reveniez à l'ordre. Mais je sais que c'est la soif de mettre à l'ordre de qui fait à ce que vous fassiez cela. Maintenant, pour la gouverne donc, des frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi il peut y avoir des suspicions comme ça, des débats derrière. Qu'est-ce que vous cherchez au juste à démontrer? Je vais donc donner, et j'ai contacté ce frère aujourd'hui, je lui ai demandé la permission. Ce n'est pas de mon habitude de le faire. Frère Georges, permettez-moi de rentrer encore sur le frère Georges, parce qu'il y a des choses qui parlent et que ça me revient. Lorsque tu as mis le témoignage de la sœur Véronique, et que après cela tu commentais, tu as dit que Junior a suivi les accusations et il a fui. Et tu as dit que tu peux te tromper. Et là, je te donne ça à crédit. Tu t'es récemment trompé. Mais ça fait 3 mois que ces choses s'est passées. Tu ne m'as pas appelé pour me dire toutes ces choses. Maintenant, quand il y a soulèvement, tu mets sur l'antenne, je peux comprendre. Tu dis donc que j'étais derrière en train de souffler à ma femme. Ma femme a parlé, je te rappelle très bien que lorsque j'ai suivi Jésus Christ télévision, devant Dieu, je le parle devant Dieu. Je n'ai jamais commenté avec ma femme. Ma femme ne m'a jamais rendu compte par rapport à ce que vous avez posé là-bas au téléphone. Parce que je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Et je t'avais dit cela après, Georges, si tu te souviens encore, quand tu as fait l'émission sur, je crois, c'est Yvon Catano, il y a un monsieur qui t'a appelé pour te faire. Je t'ai dit, frère, ne fais pas la confrontation. Tu n'as pas envie de débattre avec les gens. Et tu ne m'as pas écouté encore. Tu es venu faire la confrontation avec lui à l'écran. Je t'avais dit, ne fais pas cela. Et quand tu m'as appelé, tu m'as dit que Véronique t'appelle, voici, est-ce que tu peux passer? J'ai dit, frère, je ne me justifie pas devant un homme. Je ne fais pas de telles choses. Tu as insisté, dit que je te passe ma femme parce que j'ai une réunion à faire. Dieu ne m'a pas appelé à aller venir faire le débat. Dieu m'a appelé à entrer la parole de Dieu. Alors je t'ai laissé parler à ma femme. Je n'ai jamais demandé à ma femme ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai été attentif pour suivre également ce qui s'est passé dans cet enregistrement parce que c'est la première fois que je suivais. C'est la première fois que je suivais. Donc frère Nama, s'il te plaît, dis les choses dans leur contexte. Je n'ai pas fui la conversation. C'est parce que je t'avais dit que je ne vais pas te comprendre parce que je n'ai pas des choses à me justifier. Je ne voulais pas parler. Tu as insisté, sinon je t'ai passé ma femme. Et ma femme est même sortie hors de la maison parce qu'il y avait la réunion à la maison. Mais elle est partie hors de la barrière, je ne sais pas comment c'est fini. Et c'est à cause de Jésus qui est que je me suis encore rappelé de ces choses-là. Parce que moi, je ne suis pas là pour le débat. Je ne suis pas là pour les dislocations. C'est pour ça que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, je suis entré en contact avec la personne qui m'a amené en question. On voulait savoir mon père spirituel. Ironie du sort, frère Georges, j'utilise ton thème. Tu as dit, le frère Junior qui était, qui avec nous dénoncer le pasteur, c'est ironie du sort, lui-même, il est dénoncé aujourd'hui. La personne, je vais utiliser ce contexte-là, cette analogie pour te parler aussi. Ironie du sort, toi qui m'incrimine aujourd'hui, la personne qui m'a amené à Christ s'appelle Georges. Lui-même, s'appelle Georges. Et il est même du même village que toi, il s'appelle Georges Mengele. Donc, si pour la gouverne des frères, je vais donner son numéro, je vais demander la permission aujourd'hui. En fait, ils sont deux qui m'ont amené à Christ. Et pour la petite histoire, j'ai été baptisé par lui dans l'eau du Bouri. Il n'y a pas le Bouri au Nigeria, mes chers amis. À moi, ce que vous avez dit, petit Bouri, j'allais venir au Cameroun. J'ai été baptisé dans l'eau du Bouri le 27 juillet 2005, ici à Douala. Il était deux. Il y a Franck Ngom, qui se trouve maintenant au Canada. J'ai cherché son nom, mais je n'ai pas vu. Mais je crois qu'il va certainement entrer en contact avec une vidéo. Et puis, il pourra venir sur YouTube parler ou bien sur Facebook. Il s'appelle Franck Ngom. Il enseigne la parole de Dieu dans une école de biblique quelque part là-bas au Canada. Dès que je vais avoir le nom, je pourrai vous donner. La personne, donc, qui est ici au Cameroun, il s'appelle Georges Mengele. J'ai pris son email, j'ai pris son numéro de téléphone. Frère Georges, tu peux l'appeler, mets sur écoute comme tu sais le faire, enregistre, pose-lui les questions. Et pour la petite histoire encore, mon cher frère Georges, pour te donner qui est ce Georges-là, c'est même si j'ai côtoyé un serviteur de Dieu qui est humble ici depuis ma vie, ma petite vie de chrétien, c'est celui-là, c'est Georges-là. Ce Georges, c'est quelqu'un qui m'a amené en Christ et qui m'a appris les premiers pas. Par la suite, on s'est séparé parce que j'habitais du côté de l'université, il était loin de moi. J'ai pas donné la location géographique parce que c'est là, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun. Donc, on était dans la même ville, mais un peu distant. Alors, le Seigneur m'a formé comme ça dans la parole, sans aucune trace avec les dénominations, avec les branamistes dont vous parlez. Donc, je n'en connais pas. Donc, mes frères bien-aimés, mes frères bien-aimés dans le monde entier, ce frère dont je dis, Georges Mengele, qui est, comme je dis votre expression, c'est pas biblique, mon père spirituel, je ne sais pas, je sais pas, où vous allez chercher cela, dont le Seigneur a utilisé pour m'amener dans la foi. Ce frère vient chaque fois au devant de moi, il s'assoit, il dit, frère Junior, je ne comprends pas telle chose. Je lui explique, il prend l'écriture. Il écrit, il corrige des choses qu'il n'avait pas compris dans la parole de Dieu. Quelle humilité. Ce n'est pas donné au milieu de voir quelqu'un amener une personne à Christ et venir par la suite lui demander de m'expliquer quelque chose après la parole. Parce qu'il a reconnu la grâce du Seigneur qui était sur moi. Donc je vais vous donner son numéro, vous tous, dans le monde entier. Son numéro, je vais aller doucement pour que vous recopiez. Appelez-le. Je lui ai dit aujourd'hui, ça fait peut-être presque 6 mois qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, on était venu sur la maison quand il est venu pour poser une question de Dieu. Voici ses numéros. Appelez-le pour lui demander bien aimé. Vous tous dans le monde entier. Posez-lui la question. Donc, si vous appelez à l'extérieur du Cameroun, l'indicatif du Cameroun, c'est plus 237. Son numéro, c'est 77 51 81 18. Je recommence. 77 51 81 18 77 51 81 18. Voilà le numéro de celui qui m'a amené en Christ. Il s'appelle Georges Mengele. Si vous voulez, je vous donne même l'adresse Yahoo. C'est Mengele. Edidia@yahoo.fr. Mengele s'écrit M E N G U E L E. Maintenant, vous continuez avec un E encore. E B I B I A. Donc ça fait Mengele et Didia@yahoo.fr. Donc bien aimé, si vous voulez connaître, de telles choses ne devraient pas être au milieu chrétien. De telles choses ne devraient pas être au milieu chrétien. La vie, notre vie doit témoigner qui nous avons à l'intérieur de nous. De chercher les sexes des langues, d'essayer de chercher le clou sur la tête de quelqu'un qui a la calvitie, ce n'est pas des enfants. Oui, pour mon cher frère. Non, il y a un frère qui a posé la question. Tu as l'air de donner la réponse. Mais pourquoi tu as mis la photo de Tibi Joshua sur ton Skype? Parce que la nuit dernière, je ne savais pas que le frère m'avait fait une émission où il parlait de moi. Et je l'ai appelé parce que je savais qu'il y a des choses qui se passaient. Je l'ai appelé et on a partagé. Je lui ai même demandé d'enregistrer notre partage. Et il m'a montré comme quoi tu as mis la photo de Tibio sur ton Skype. Donc, est-ce que les gens peuvent savoir? Parce que ça trouble les chrétiens. Moi, j'ai donné la réponse. Et c'est mieux que toi, tu donnes la réponse parce qu'il s'agit de toi. Cette vidéo-ci, c'est vrai que c'est dommage que nous n'ayons pas aussi le direct pour que les frères puissent poser des questions en direct. Oui. Mais après cette vidéo, je vais changer la photo parce que la paix est revenue. Amen. J'ai internet chercher cette photo-là. Parce que quelque chose me vient à l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que, quel qu'en soit le cas, quand quelqu'un nous touche et que c'est quelqu'un que nous aimions vraiment, ça nous touche, nous voulons réagir d'une certaine façon. Cette réaction-là, la façon c'est que le frère a dit de moi, ce qui n'était pas vrai, ça m'a poussé à aller chercher les photos et mettre, vous vous souvenez, c'était la photo de mon fils qui était là, à mettre ces photos-là pour faire délier les langues. Effectivement, de reste là, j'ai eu des commentaires, des feedbacks de ceux qui m'appelaient frère et les conséquences de cela. Donc j'ai seulement dit que c'est ce que j'ai dit, que je voudrais faire parler les gens comme ils ont voulu parler, je vais les faire parler maintenant. Donc j'ai mis cette photo-là dans ce toxique à tout ce moment. Je vais changer, je vais remettre la photo de mon fils là-bas, bien mes frères. Donc, je ne suis pas en contact avec Timio Chapin. Il ne me connaît pas Dieu. Écoutez très bien, ce n'est pas mon père spirituel 3. Je ne sais pas comment il baptise 4. Voici Georges Mengele qui est mon père spirituel, comme vous le dites, selon votre terminologie. Je crois que c'est réglé là-bas. Par rapport à ma belle famille ou quoi que ce soit, j'ai cru entendre aussi, parce que l'autre personne n'avait pas suivi, que quelqu'un est venu témoigner contre moi par rapport à mon mariage et à mon épouse, à la personne de mon beau-frère, c'est-à-dire le petit frère de ma femme, dont le dernier, ils sont 4 dans la famille. Donc, le dernier, il porte le nom. Oui, mon fils porte le nom. Et donc, mon fils, son nom, c'est Nemlama Josué Ruben. Lui, c'est Nemlama Joseph, quoi, Josué Robert. Donc, celui qui est venu témoigner contre moi, c'est mon fils. Et en tant que mon fils, bien, mais permettez-moi, sur ce lancé-ci, de ne pas livrer le secret familial en public. Cette chose-là, ça sera réglé dans la famille. Et toi, Josué, je m'adresse à toi directement. Je t'aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La prochaine fois, si tu as des choses à me dire, je me dis en face. Tu me connais bien. Tu n'as pas besoin d'aller faire toutes ces choses-là sur le plan public. Donc, on va en parler. Donc, bien aimé, ça se lève pas. Ça se réglera en famille. Je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je recommande encore ce qu'il dit dans le départ. S'il vous plaît, gardez les conducteurs dans le monde entier, que ça a choqué. D'ailleurs, le garde au niveau des assemblées où ça a choqué. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Demandez pardon au prévu du Seigneur de ma part. Et s'il vous plaît, et arrêtez les commentaires là-bas. Priez seulement pour que les choses n'arrivent plus au corps de Christ. Je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que ce témoignage-ci glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que on comprend également que les chrétiens sont maturés afin qu'on puisse pardonner les uns les autres, s'embrasser encore de nouveau et continuer ensemble dans la marche chrétienne. Et qu'on voit le témoignage vivant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais moi, j'aimerais bien finir aussi en précisant une chose. C'est vrai que tout ce qui est... lorsqu'il y a eu la première réunion, moi, j'insiste là-dessus. J'aimerais bien que le frère Nama puisse diffuser la réunion de 13 heures de temps que nous avons eue avec le frère Larson, le frère Gandimoun, le frère Sok, et toi et d'autres qui sont aux États-Unis. Après cette réunion, il y a eu donc ce lien que le frère Nama a envoyé le week-end qui suivait. Et c'est à partir de ce lien de la sœur Chantal qui est venue maintenant tomber dans les oreilles du frère Sop, le frère Gandemoun et le frère Larson, maintenant qui ont dit, bon, le baptême au nom de Jésus-Christ, nous savons que le frère Junior baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est la vérité. Ce que la sœur a dit, nous sommes étonnés. On était convaincus sur le mensonge. Mais... les frères sont sidérés, les frères sont ils sont étonnés, je ne sais pas quel mot utiliser, du fait que tu as dit, tu enseignes, tu as dit que le péché originel c'est les rapports sexuels que le serpent a eu avec Ève. Et que, c'est la suite de cette vidéo. On sera obligé de couper celle-ci parce que je vois que le Seigneur nous a conduit autrement pour qu'on ne la mélange pas avec l'enseignement sur les deux possibilités. Donc ce que je... Dans la quatrième partie, on va en parler en profondeur. D'accord. Ce que j'aimerais bien qu'on dit aux frères et aux sœurs qui nous regardent dans le monde entier, c'est que il y a eu vraiment des problèmes très très sérieux à cause du fait que les frères ont entendu, parce que je me souviens qu'on a fini la réunion, on a pris de 20 heures jusqu'à 7h du matin, 7h environ. 10h, frère. Non, ça c'est le deuxième week-end. C'est le deuxième week-end. Ah oui. Le frère Nama est là. Et c'est le deuxième week-end que le frère Nama envoie le lien dans la nuit. On était concentré sur le baptême, on n'a pas regardé. Donc vers 7h, on se sépare et il semble que soit le frère Sop ou le frère Lars, on a écouté le lien. C'est là qu'il se rend compte que c'est la conversation du frère Nama avec la sœur Chantal. Et là, ça... Il a appelé à l'état d'urgence. Mon téléphone a sonné, venez écouter ce que le frère Junior a dit, et quand j'ai écouté le lien, moi j'ai dit au frère, qu'est-ce qui vous étonne dans tout ce qui a été dit? Moi, il n'y a rien qui m'étonne. De toute façon, à ce qui concerne la semence du serpent, c'est un enseignement que j'ai déjà reçu. Peut-être pas en profondeur, mais... Et frère, s'il te plaît, tu te souviens que j'étais dit ce matin-là que le Seigneur m'a révélé que deux personnes de votre groupe ont reçu cela. Tu te souviens de cela? Je me souviens de ça parfaitement et pour ne pas pour confirmer ce que l'Esprit t'a dit, je t'ai dit qu'il y a moi et le frère Galet. Donc, qui avait reçu cela. Qui avait reçu cela. Tu m'as dit que tes frères parmi tes frères, deux personnes ont reçu cela, mais ils ne veulent pas en parler. Mais toi, parle. C'est ce que Dieu m'a dit. Je t'ai dit cela, ce n'est pas frère. Tu me l'as dit, et je n'ai pas voulu bloquer, j'ai voulu honorer l'Esprit en te rappelant que ce que tu as reçu, c'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Mais le frère Galet n'a pas voulu entrer en détail parce que le frère Galet a dit que si quelque chose, un enseignement, quelque chose que tu as reçu du Seigneur peut être une occasion pour ton frère, une occasion de chute, vous voudriez mieux ne pas en parler. Mais le frère Galet n'a pas compris que c'est venu plutôt d'un lien des États-Unis et qui est tombé dans les yeux du frère des frères. En tout cas, moi, ce que je voulais redire encore ici présentement, c'est que ce qui a énervé les frères, ils étaient très, très, vraiment très choqués. Pourquoi ils ont dit qu'ils ne veulent même pas t'écouter? Alors si tu as dit que le parler en langue n'est pas biblique et que tu as dit que le péché originel c'est les rapports sexuels, ils ne veulent même pas t'écouter. Je leur ai dit, mes frères, premièrement j'ai partagé avec le frère Junior au sujet du parler en langue. Le frère Junior ne m'a pas dit que le parler en langue n'est pas biblique parce qu'il ne peut pas me le dire, moi sachant que c'est écrit que n'empêchez pas de parler en langue. Absolument. Deux ou trois parlent en langue au plus. Si un interprète, s'il n'y a pas d'interprète qui s'éteint, donc ça veut dire que le parler en langue est biblique. Mais il dit que la façon dont ça se pratique dans les assemblées n'est pas biblique, c'est différent. Et je leur ai dit, le péché originel, j'ai entendu parler, j'ai la confirmation que le péché originel, c'est le rapport sexuel. Mais maintenant, je n'ai pas la possibilité de démontrer ça bibliquement. Laissons que le frère vienne, qu'on écoute le frère. et personne n'a voulu me couper. C'était comme si j'étais mon ou bien on était en train de manigancer quelque chose derrière. J'ai dit au frère, on n'a pas causé par rapport à ça. Et j'ai dit au frère que même un violeur, avant de le condamner, on l'écoute d'abord. Nous, de plus, nous sommes dans le Seigneur. Le frère Sob m'a dit qu'il a été appelé pour être enseignant. Le frère Ndangoun m'a dit qu'il était appelé pour être enseignant. Le frère Lasson m'a dit qu'il était appelé pour être apôtre. J'ai dit, c'est très bien. Nous avons besoin de ces ministères dans le corps de Christ. Mais c'est un autre frère qui est aussi un ancien, qui est aussi un enseignant, qui vous dit, dont vous avez entendu les choses. Mais laissez-le quand même s'expliquer, qui nous amène dans la parole. Nous avons les Bibles avec nous, on nous amène à la parole. Les frères ont refusé. Et puis, quelques temps après, ça nous a amené à une réunion où il fallait que je m'explique que beaucoup de choses sont sorties. Je me suis expliqué dans les deux vidéos. Mais ce que j'aimerais dire ici présentement, c'est que je veux que le frère Ndangoun, le frère Lasson, je veux qu'ils sachent que nous les aimons. Moi, je les aime dans le Seigneur Christ. J'aimerais réitérer ça ici en disant que je n'ai pas dit que je me sépare d'eux. Ils ont dit que se sépare de moi. Et je crois que la chose principale pour laquelle ils veulent se séparer de moi, c'est que j'ai même voulu entendre, je donne même la possibilité de parler pour que j'écoute. Donc pour eux, c'est tellement grave. Donc frère, je crois que le Seigneur... Associons-nous pour lancer l'appel à ces frères-là. Frère Patrick Sop, revenez-nous. Revenez-nous, c'est vous qui... Nous avons besoin de vous, frère. Nous avons besoin de vous. Le frère Ndangoun, nous avons besoin de vous. Et le corps de Christ a besoin de nous tous. Venez. Quand j'ai rencontré le frère Sop, j'ai été béni. Quand j'ai rencontré le frère Ndangoun, quand on s'est déjà eu au téléphone, j'ai dit ce frère a quelque chose à donner à l'église. J'ai été béni. Et lorsque le frère Nama supprimé ses enseignements sur YouTube, j'ai été très très très choqué par ça. Et je n'ai pas voulu appeler le frère Nama pour que ça devienne autre chose. Donc vraiment, le corps de Christ a besoin de vous. Le frère Lasson, le corps de Christ a besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Marcel, pendant que tu parlais, quelque chose me vient en esprit, là, me rappelle quelque chose. Je profite de cette occasion pour demander à frère Georges Nama. Tu as fermé ton compte de Skype, tu m'as bloqué ton Skype, s'il te plaît. Je n'ai bloqué aucune des personnes, mais mon Skype est toujours ouvert. Dès que tu es disponible, après avoir fait tout ce qui était demandé à l'antenne, ouvre le Skype, on communique encore. Et j'ai un message de la part du Seigneur de ton côté pour toi. Je voudrais aussi dire à la sœur Claire Ando, lorsque ces choses se sont passées, depuis que tu es allé au Nigeria, tu es rentré déjà, toi et moi, on n'a plus jamais entré en contact. Tu ne m'as plus jamais contacté. Je t'ai écrit plusieurs fois, tu ne m'as pas répondu. Mais la seule fois que tu m'as répondu, c'est ce jour où le frère Nama a publié cela. Je ne lis pas le message là pour créer encore davantage de divisions. Sœur Claire, tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Je garde le message pour moi ici. Je dispute encore tes vidéos. Entre en contact avec moi. Toi-même, tu m'as bloqué encore sur ton compte Skype. Entre en contact avec moi. J'ai un message du Seigneur pour toi. J'ai aussi la fille de Sion. J'ai un message aussi pour toi. Ouvrez le compte Skype, je suis votre frère. N'aie pas peur. Donc, ne craignez pas de confronter ce que vous avez toujours reçu à la vérité, à la parole. Si vous avez la parole qui est en vous, on ne peut pas enlever cela. Si sur le Saint-Esprit vous a donné quelque chose, un homme ne peut pas enlever, même pas Satan ne peut pas enlever. Non, n'ayez pas peur que vous parlez en langue, on enlève votre langue. Donc, c'est pas cela. Mais je vais profiter pour dire quelque chose, frère, parce que quand nous parlions de la réunion, là, je me souviens que le frère Alain Patin Gardimon et Lasson ont dit quelque chose à la réunion. Si je me trompe, tu peux me corriger. Ils ont dit que l'une des choses pour lesquelles je ne peux pas comprendre, pas continuer avec toi, c'est que si nos prévus que nos dirigeants posent des questions là-dessus, ne sont pas capables de le faire. Frère, c'est une erreur grave, parce que ce n'est pas nos prévus que nous contrôlons. Moi, quand j'enseigne les gens ici au Cameroun, je vous le dis comment je le fais. J'enseigne les gens, je les laisse sur la liberté du Saint-Esprit. Ils peuvent aller confronter n'importe quelle doctrine. J'ai la confiance au Seigneur que ce qu'elle aura enseigné, le Saint-Esprit va les faire assimiler cela. En fait, si ils sont destinés à comprendre, ils comprendront de toutes les façons. Amen. Donc, souvenez-vous, notre Seigneur Jésus nous a laissé dans ce monde, c'est un territoire ennemi. Et il a dit que prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous aurez une tribulation. Il savait que qu'on va vivre ces choses-là. Donc, tu ne peux pas garder les prévus. En fait, de toute façon, quand vous n'êtes pas à la maison, tu ne sais pas ce qu'il voit sur Internet. Tu ne sais pas quel enseignement il suit sur Internet. Donc, mon frère Alain Patrick, au lieu de fuir la chose, de faire la politique de l'autruche, venez vers nous. Discutons ensemble. Alors, si tu ne parviens pas, si tu n'as pas eu la branche de cette révélation-là, et tu ne parviens pas à expliquer, après vous êtes en accord avec la parole, en voyant que c'est en accord avec la parole, si tes gens te posent des questions, aie l'amabilité de leur dire que, après toi auprès de Fred Junior, ce n'est pas pour, s'il y a des questionnements et des questions, pose-lui la question et te répond. C'est ça la communion entre nos frères. Si j'ai quelque chose de maîtrise pas sur la fin des temps, je vais dire, allez écouter les vidéos ou bien contrôler à l'impact qu'il a reçu, c'est cette portion-là. Il va bien nous expliquer. Exactement. Pas de division. Si tu ne maîtrises pas bien ce sujet-ci, ça ne veut pas pourtant dire que tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc tu n'as pas à dire au brebis du Seigneur que cela c'est faux, c'est parce que tu n'as pas reçu cela. Non. Dieu n'est pas obligé de passer par vous. Je vais prendre un exemple de la Bible. L'apôtre Paul recevait Jésus-Christ des relations du Seigneur Jésus-Christ directement. Mais il a fallu que Agabé sorte de Jérusalem pour venir lui dire que cet homme à partir de ce samedi sera lié à venir à Jérusalem. Il n'a pas rejeté en disant que tu es qui pour me donner les prophéties. Que Dieu me parle en direct. Donc frère, revenons alors, je vous aime, reviens à la maison. Amen. Amen. Et puis j'aimerais lire même acte 19, acte 18, oui, acte 18 à partir du verset 24. Oui. Pour essayer de remettre un peu à la lumière de la parole de Dieu ce que tu viens de dire. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vers Éphèse, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Amen. Donc, pour dire que le Seigneur peut nous conduire à nous intéresser à un sujet précis dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout. Et nous devons toujours être ouverts aux frères qui ont reçu autre chose que nous, les écouter et laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Amen. Vraiment que le Amen. Donc, frère Nama, je t'aime, je salue confort de ma part, frère Boris, je vous aime, frère Saint-Clair Andou, tous les frères dans le monde entier, je vous aime, même ceux qui n'ont pas vu dans le Seigneur, je n'ai pas vu le visage dans la chair, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, restez bénis, et venez suivre la quatrième partie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mes frères, le frère Gandimoun, le frère Sop, le frère Larson. Je me souviens que c'est vous qui avez dit que vous allez vous séparer de moi. Donc je ne sais pas trop comment faire, ou c'est moi qui dois venir vers vous le premier, ou c'est vous qui allez venir vers moi le premier. Donc nous sommes... Mais parce que vous qui lancez l'appel. Je lance comme ça l'appel. Que donc, oui. Si ce sont des personnes réfléchies, quand ils prennent une décision comme celle-là, je ne sais pas, je veux aller vers eux, mais je me préserve aussi. Donc, je sens eux qui ont dit cela, et je vous prie, mes frères, j'ai besoin de vous. Je ne peux rien sans vous. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne moi seul. C'est pas possible. Nous sommes un corps, et j'ai besoin de vous, comme j'ai besoin de tous les frères que je ne connais pas encore dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, et j'attends à voir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, une communion plus parfaite que celle que nous avons eue dans le passé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.